bout de chèque qui peut tourner ma gueule. Mon train se voit, j'ai des deux sec folotin. Quand je suis un mouton, un mec malichèque. Et toi, ton nom, ni tu vois plus sur ma. Ni je suis un bout d'un grand stock, d'un mec mamidin. Avec sa pile, un autre grand nom qui vient. Je prie le serpent, un autre grand vilain. Il est au lagne, j'ai mis de tes madons. Pour mon coup, j'en avais mes doigts, votre ouïe, quelle belle échec. Et la lumière, et la fois que tu t'as t'envain, la mine, ce qu'il fait le tien. Mais jamais, t'inquiète. Pour la couille, ton corps sur l'air, toi, le cache-ni. Pour la lèche, t'aimes, ton équipe, me recache-ni. Laisse ta main sur le cache-ni, toi, c'est une terre, moi, l'air. C'est la gâche, ton embouche, je vais le faire. On y a les bouquets, le camion, dès qu'il te font. C'est ton étoile, t'as tes pieds, c'est la vie qu'on l'air. Toi, j'avais belle tête, t'as un truc que je rachète. C'est tout la moche, j'ai toujours un peu. Pour tes chèques, qui peut t'en engueuler. Mon train se voit, je dis ton zig pour le temps. Quand je suis mouton, un mec malichèque. Et toi, ton nom, ni tu vois vis sur ma. Ni je suis un bout d'un gosse, toi, qui t'en mec ma mine. Avec sa pile, un autre grand nom qui vient. Je fais le serpent, un autre village. Il est au lagne, j'ai mis le tornado. Je suis un peu de temps.